Scène au jardin par Edmond Jaloux. Vers 2 heures du matin, le brouillard commença de se dissiper, et dans le ciel plus clair, apparut une lune incomplète et rougeâtre, une lune vieillie, qui semblait s'être fardée pour courir en masque à quelques balles. Lord Thomas Lowborough était rentré plus tôt que de coutume du Rose Club, où il avait joué avec Pitt et Sheridan et gagné une assez forte somme, se sentant d'humeur gaie, ouvrit la porte de son parc et résolut de se promener quelques instants avant de se coucher. Il trouvait la vie bonne et facile. Le dîner avait été exquis, les vins chaleureux, et le lendemain, il avait rendez-vous avec une très jolie fille rencontrée au Vauxhall. Il soupira d'aise, huma l'air humide et fit quelques pas sous les arbres pluvieux. Il s'avança avec lenteur, corpulent, un peu lourd, le visage large et sanguin. Au fond du parc, il avait fait construire ce qu'on nommait alors des fabriques. Ruines artificielles, portiques romains, cascatelles, temple à la philosophie. Comme il s'en approchait, une forme soudain se leva d'un banc de pierre, une forme menue, encapuchonnée dans un long manteau noir. Thomas Lowborough fronça le sourcil. « Oh » fit-il, « le vilain petit fantôme ?»« Oui, » dit une voix amère, qui avait un fort accent étranger, « un vilain fantôme. » Celui d'une femme que vous avez aimée. Il y a longtemps, dit l'important personnage avec indifférence. Il n'y a pas assez longtemps pour que je ne m'en souvienne plus. Il est fâcheux, n'est-ce pas, qu'un fantôme ait de la mémoire. La femme sortit de l'ombre des arbres. À la lumière de la lune, Lowborough revit ce visage qu'il avait adoré, ses traits minces et charmants, cette peau très brune, ses yeux larges et noirs, étoilés de points d'or, cette chevelure épaisse, touffue, dont le noir profond avait des reflets bleuâtres. « Oui, me voilà, » dit-elle. « Voilà celle que vous appeliez Perdita, et que vous avez perdue en effet. Je voulais vous revoir, my lord. Depuis 2 ans, je vous cherche. Un jour, brusquement, vous avez cessé de m'appeler à vous. Mes lettres sont restées sans réponse, mes supplications sans résultat. Vous m'avez meurtri et humilié autant que femme peut l'être, et cependant je vous aimais. Par la Madone, je n'ai aimé personne comme vous. » Lord Lowborough sortit un cigare de sa poche et l'alluma. « Par la Madone, comme vous dites, Perdita, vous êtes toujours aussi cruellement ennuyeuse. Ah, my lord, prenez garde, ne me poussez pas à bout. J'ai voulu vous parler. Je me suis souvenu que je venais ici vous rejoindre. J'avais encore la clé du jardin. Vous êtes si sûr de vous, si imprudent, que vous ne me l'avez même pas réclamé. Pensiez que jamais je n'aurais l'audace de venir vous relancer jusque chez vous, eh bien je l'ai eu. Je le vois bien. Que me voulez-vous? Quoi? C'est tout? Pas un souvenir du passé? Cela ne vous fait rien de me revoir? Aucun trouble, aucune émotion? Ces sentiments-là, vous le savez, ce n'est pas mon genre. Je n'étais rien quand je vous ai connu, rien. Une chanteuse italienne qui figure dans un petit théâtre. Est-ce que cela compte, un être pareil? J'étais honnête. J'allais me marier avec un musicien, un garçon de chez nous. Vous m'avez remarqué, suivi, attiré. Vous m'avez grisé de cadeaux, de fleurs, de paroles. J'ai cru en vous, cru en votre amour. Je vous ai aimé. Ah, de quel amour absurde, absolu, éternel. J'ai quitté ce petit théâtre pour mener en votre compagnie une existence amusante et facile. J'ai abandonné mon fiancé, qui de désespoir s'est jeté dans la Tamise. Et je n'ai eu de tout cela, ni regret ni remords. J'étais votre jouet. J'allais de fête en fête, de souper en souper. Puis un jour, vous m'avez envoyé une bague d'or, avec un rubis superbe, et je ne vous ai jamais revu. J'ai appris par d'autres femmes que vous envoyiez toujours ce cadeau en signe de congé à celle qui avait cessé de vous plaire. Vous m'avez rejeté à la rue, misérable, le cœur brisé. Je vous ai poursuivi en vain. Vous m'avez raillé, blessé. J'ai vu qui m'a remplacé dans votre vie. J'ai souffert en silence. Avouez que je suis patient, dit Lowborough en tirant une bouffée de son cigare, car je vous ai laissé parler tant que vous avez voulu. Et Dieu sait cependant si je la connais, cette sempiternelle histoire. Et puis après, vous n'étiez rien. Je vous ai sorti de la misère, amusé 2 ans, que vous faut-il de plus? Ma vie est brisée, mon avenir détruit, mon fiancé mort, tout cela se paye. Que voulez-vous? De l'argent? Non, de l'amour. Je vous aime toujours. Je viens humblement vous supplier de m'aimer encore un peu, d'avoir pitié de moi. Je reviendrai parfois vous voir, à ces heures-ci. Vous me recevrez? Nous souperons tous les deux, comme nous faisions jadis. Vous me parlerez encore. Je ne vous demande que cela. Oh non, ça ne m'amuse plus. J'ai vieilli en 2 ans, Perdita. Il me faut d'autres distractions maintenant. Perdita ouvrit son manteau. Elle était en travestie. Et beauté, éprenée, prise dans un pourpoint de velours noir, un poignard au côté, elle avait l'air d'un svelte et hardi jeune homme. « Reconnaissez-vous ce costume ? » dit-elle. « J'étais ainsi quand vous m'avez vue pour la première fois. Vous me trouviez si belle alors. Vous l'êtes peut-être encore. Je n'en sais rien. Je ne suis plus amoureux. Thomas, prenez garde. » « Des menaces ? Oh, oh, Perdita, allez-vous-en ou j'appelle mes gens et je vous fais jeter dehors. » « Il ne fallait pas dire cela, » murmura l'Italienne en refermant son manteau. « Il ne fallait pas dire cela. » Elle recula lentement sous les arbres. De la main, Lord Loughborough lui fit un signe d'adieu et se dirigea vers la maison. Mais il n'alla pas bien loin. Perdita avait couru légèrement derrière lui et par 2 fois lui enfonçait son poignard dans le flanc. Puis elle quitta le jardin et la lune fardée resta seule au-dessus des arbres à regarder saigner le cadavre. À quelques mois de là, 2 amis de Thomas Loughborough remarquèrent un soir, sur la scène du théâtre des Italiens, une actrice dont le visage leur parut familier. Ils la firent prier de les venir voir dans leur loge. « Je ne serais pas étonné, » dit Arthur Shulbred, un solide viveur, qui avait les dimensions d'un tonneau et dont le visage rouge semblait suer le porto dont il noyait quotidiennement son estomac. « Je ne serais pas étonné que cette Perdita n'ait pas été étrangère à la mort de notre pauvre Loughborough, qui restait un tel mystère. « Voilà bien, avec votre imagination, » grommela Jonas Vickery, un joueur toujours grincheux. « On peut cependant admettre que la police y a pensé aussi, avant d'avouer qu'elle n'avait rien découvert. » La Perdita paraissait au seuil de la loge, enveloppée dans un manteau de couleur pourpre. « Ellie, vous voilà, bel enfant, » dit Shulbred. « Il y a belle lurette qu'on ne vous avait vue. » « Oui, » dit Perdita, les yeux modestement baissés. « Ma foi, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était 2 ans avant la mort de ce pauvre Loughborough. Par Castor et Pollux, si vous aviez à vous plaindre de lui, vous avez été bien mangé. » « Oui, Dieu ne m'a pas abandonné, » répondit simplement l'Italienne. Elle avançait sur le rebord de la loge, un bras nu, mince et brun. La main ne montrait aucun bijou. « Eh !» dit lourdement Vickery, en ricanant. « Vous ne portez plus cette bague de rubis que Loughborough vous avait envoyée à vous aussi ?» La jeune femme se redressa comme un serpent qui se détend et planta son regard noir dans les yeux pâles de l'Anglais. « Non, my lord, » dit-elle. Elle est maintenant au doigt de la Madone de Castelbordino. Je l'ai lui donnée pour la remercier de sa protection. C'était Scène au jardin par Edmond Jalloux.